face au péché actuel du monde, en nous, autour de nous, partout, ça, il y a un certain nombre de réactions qu'on fait et qui sont à discerner. Alors, belle illustration, hein?